hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Radio Arc-en-Ciel, El Despacito, puis le soleil qui revient pour demain, c'est la bonne nouvelle. La météo. Eh, ça y est, il est de retour demain, le soleil. Par contre, vendredi et samedi, des risques de pluie. Demain, le soleil sera bien là, au rendez-vous avec quelques petits nuages. Mais les températures sont plutôt pas mal. On gagne un petit degré le matin, 10 degrés au lever du jour, et on va dépasser les 21, 22 degrés. Encore du soleil normalement jeudi, puis ça va se gâter un petit peu vendredi et samedi avec quelques petites averses. Mais bon, pas grave. El Rayos del Sol est au rendez-vous sur Radio Arc-en-Ciel avec du vrai, du bon son. Tous ces moments, c'est Juan May sur votre radio couleur. Ce moment qu'on a partagé, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. Les souvenirs qui font renaître des sentiments. Pourtant je pense qu'il est temps de tourner la page et d'aller de l'avant. Sais-tu que la flamme s'est éteinte à présent? Oh eh oh, olvídame mi amor. Oh eh oh, ya se sanó el dolor. Oh eh oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs. C'est la triste réalité. Oh eh oh, olvídame mi amor. Oh eh oh, ya se sanó el dolor. Oh eh oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagés. C'est 7h13 et là vous évadez, vous sortez du bureau avec Fabian, Erwan May, tous ces moments qu'on a passés ensemble. Ouais, des bons et des moments encore mieux qui vont arriver. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, jusqu'à 19h avec deux beaux invités. Aujourd'hui, 18h, il sera en direct au téléphone avec nous. C'est le maire d'Orléans, Olivier Carré, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Ne ratez pas ce bel interview de 18h, 18h15, à peu près 15 minutes. Il va nous parler des municipales, comment s'est passé le confinement, le déconfinement, que va-t-il faire après, avant. On en saura plus tout à l'heure avec lui au téléphone. Et puis un grand monsieur aussi, Stéphane Arnaud, qui est le président de l'association de CJF Fleury Handball, avec une opération solidaire soutien ton club. Il va nous parler de justement de cet appel aux dons pour l'association CJF Handball Fleury les Aubrais. Stéphane Arnaud qui sera vers 18h20, 18h25 au téléphone avec nous. Et puis on annonce une canicule pour cet été. Eh bien ça tombe bien, la canicule qui est déjà sur Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur des souvenirs, fin 74. Voici Eric Chardin et l'été sera chaud, il va être très chaud, je vous le garantis. We'll be right back. dans quel été je vais plonger. Sur Radar Conciel, le meilleur des souvenirs 75 avec Eric Chardin, le meilleur des souvenirs, ça fait du bien de bronzer comme ça en direct à la radio sur la FM. L'été sera chaud, c'est ce qu'annonce justement Météo France, on va vous en parler dans quelques minutes. After Job avec Francky l'après-midi. C'est ce qu'annonce officiellement sur leur site Météo France que cette année la canicule sera un petit peu plus sombre que l'année dernière. Alors déjà que l'année dernière elle était chaude, mais là il va falloir prévoir les clims, les ventilos. Allez, vous ruinez pas en ventilo surtout cette année. Et un bon plan aussi, la ville de Fleury qui réouvre la bibliothèque depuis aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle, de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h. Voilà, de bonnes nouvelles, histoire d'aller feuilleter quelques bouquins. 15 personnes à la fois pourront choisir leur livre préféré sur place. Pour plus d'informations, contactez la bibliothèque sur le 02 38 83 31 20. Belle fin d'après-midi, courage à vous. Si vous sortez du boulot, ça fait du bien d'aller se délasser avec du son caliente. Et David Carrera qui arrive sur Radar Conciel. After Job avec Francky l'après-midi. Elle les a fait tomber comme des dominos. Mademoiselle aime bien s'amuser. Elle les a fait tomber comme des dominos. À quoi bon se faire des idées? N'essaie pas, elle t'aura. C'est un soleil, mais fais gaffe à l'orage. Et on a Maria. Non, t'es un tempo, mais dis-moi que on a. Ma jolie, jolie. Arrête de les accumuler. Ma jolie, jolie. Oh, lui. Arrête de les accumuler. Essayer. Comment veux-tu qu'elle trouve sa peur sans même l'essayer? Et elle est mal dans ses baskets. Elle nous met tous dans le même sac. Et elle nous prend pour ses affaires. Tous les jours elle change de sap. Ma jolie jolie, arrête de les accumuler. Ma jolie jolie, joli, arrête de les accumuler. Elle les a fait tomber comme des dominos. T'as bragué sur elle, t'as fini paralysé. Fini au sol, sol, sol. Elle la brinca contigo en la cama. Está fini au sol, sol, sol. Elle non liga, se non desgrana. Ma jolie, tous tes plans échoués, tous tes laisser tomber, ce serait mieux qu'on en reste là. Elle me dit ne me laisse pas. Dis bien que pour une restoire, c'est fini, on en reste là. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ella brinca contigo en la cama. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ella no liga, se no desgrana. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ella brinca contigo en la cama. Elle les a fait tomber comme des dominos. Ella no liga, se no desgrana. Elle les a fait tomber comme des dominos. Un braquet sur elle, ta vie est paralysée. Elle les a fait tomber comme des dominos. Même les cœurs de pierre ici ont fini brisés. Et t'as fini au soir, au soir, au soir. Au sol, sol, sol, sol. Au sol, sol, sol, sol. After Job avec Francky l'après-midi. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione. Un milione di volte bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone già, basta se già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento. Italia, Forza, tiens, je vais manger des pâtes ce soir pour la peine avec RS Ramazzotti. Sebastasse, una canzone. Ah, les bons moments d'amour, comme ça, ça fait du bien en plein après-midi. On vous souhaite un bonne fin d'après-midi, 17h25 en direct à la radio. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, c'est l'après-midi. Puis là, si vous rentrez du bureau, eh bien, vous allez vous mettre au sport parce que trop d'écran, trop sédentaire, les Français, trop peu nombreux à pratiquer une activité physique. Et oui, hein, selon une étude publiée ce mardi, les Français ne font pas assez d'exercices physiques et de sport. Le temps passé devant les écrans au bureau, par exemple, et la journée de travail devant l'ordinateur encore et toujours, et en rentrant encore l'écran, la tablette, le tactile, etc. Eh bien, ont largement pesé sur les Français. Donc, 71% des hommes pas assez de sport contre 53% des femmes. Donc, en rentrant du bureau ce soir ou du job, vous mettez un petit peu au sport, une petite marche, pourquoi pas, au bord de la Loire, ça va faire du bien. Justement, en parlant de Loire et d'Orléans, il sera mon invité à 18h, monsieur Olivier Carré, qui est le maire d'Orléans. Il va nous parler justement des municipales 2020 dans quelques jours. Ça y est, ça va repartir pour le deuxième tour. Où en est-il? Qu'a fait-il pendant le confinement, le déconfinement, ses projets? On en parlera avec lui pendant bon 15 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel à 18h. Le maire d'Orléans sera notre invité, bien sûr, au téléphone. Du son qui arrive avec Eric Mendes. Bonne fin d'après-midi, 17h26 minutes en direct. After Job avec Francky l'après-midi. L'après-midi, le rayon d'où le sol qui arrive. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Et puis je vous adore. Henry Mendes. Sabes que la unión hace la fuerza. Y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. Bailando la disco de forma indecente, la mano para arriba, mi gente, que somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí, cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa, mira yo beso tu boca, voy jugando con tu pelo, mío te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura, los dos juntitos por siempre. Charlie Rodriguez, Todos Arriba. Ça fait du bien de se rappeler des bons souvenirs, soleil comme ça. Et puis là, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Ouais, je suis triste parce que elle nous a quitté, l'une des fondatrices justement du groupe les Pointer Sisters. Elle s'appelait Bonnie Pointer. Elle est partie à l'âge de 69 ans. Elle fait partie des 4 sœurs qui ont fondé ce groupe, pour rappeler de ce titre fabuleux, I'm So Excited, les Pointer Sisters dans les années 75. Ça nous rappelle des bons souvenirs disco. Voilà, un petit clin d'œil à Bonnie Pointer cet après-midi. Fat Larry's Band justement, ça c'était les mêmes années, hein, rappelez-vous, en direct à la radio. Yeah, you ought to know, act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low, Souvenir disco funky music, les Fat Larry's Band, ouais, en 81 avec L.A. Culo. On a dansé là-dessus, sur les pistes des boîtes à l'époque, hein. Bah ouais, toujours. Bientôt peut-être le retour des discothèques et ça ferait plaisir à tout le monde pour faire la fête. Et puis Kinvé, ça y est, qui revient avec un nouvel album, il donne pas le titre encore, mais voici le premier extrait en exclusivité, le nouveau Kinvé, c'est Tahiti sur Radio Arc-en-Ciel. No, no, no. Future Job avec Frankie l'après-midi. Amoureux de ce titre, DJ démarre avec Boy Teddy. J'ai décidé que vous annoncez une gagnante justement qui a gagné à la fête des mères. Je vous l'annonce tout de suite en direct à la radio et ça va certainement lui faire plaisir. Frankie dans la radio, salut la famille. After Job avec Frankie l'après-midi. On a du mal avec tous les boutons qu'il y a sur la table de mixage. Hein, ça me rappelle les boutons quand j'étais jeune, quand j'avais de la clé, j'en avais autant que la table de mixage. En tout cas, une gagnante qui va être heureuse et je vais lancer son nom en direct à la radio. À Lucie de la Tombola du 7 juin pour la fête des mères aux établissements Mariano. Madame Kariana Elisabeth de Fleury-les-Aubrais. Kariana Elisabeth de Fleury-les-Aubrais, si vous la connaissez, bah vous l'appelez tout de suite. Et la grande gagnante du palier garni, justement, qui est disponible à ce jour dans votre établissement Mariano, qu'on remercie du fond du cœur d'ailleurs. Passez le chercher. Félicitations, bravo madame. Je vous rappelle le nom, hein, Kariana Elisabeth. Ou alors vous m'appelez à la radio 02 38 43 48 00, puis je vous passe en direct aussi. Comme ça, vous allez montrer votre joie. Puis merci aux établissements Mariano. En direct, Fabien et Juan Maï à Bassaloula. Et puis monsieur Olivier Carré, qui est maire d'Orléans, sera au téléphone avec nous dans quelques minutes, aux alentours de 18h, je lui ai dit à peu près. Ça va être une très très bonne interview, je pense. J'espère. Allez, du son qui arrive. C'est du soleil toute la journée. Et ouais, toute la journée, on vous envoie des rayons de soleil, des coups de soleil avec Fabien et Juan Maï à Bassoudara, avec le mal de gorge qui arrive. Non, c'est pas le corona, je vous rassure. Salut la famille. Ah

Knock Me Out, Gareth Gang avec George Michael, Fats Love. George Michael qui nous a quitté bientôt il y a 3 ans. C'était un jour de Noël. Oh là là, quel mauvais cadeau quand même. Quel super bonhomme aussi, quel chanteur. Et puis un groupe qu'on adore en ce moment, Jérusalem. Ça cartonne partout en ce moment. Et c'est vrai qu'il est diffusé sur tous les réseaux sociaux. On l'adore. Voici Jérusalem. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze. Aikolana, buso ami, aukolana, kilo ndolose, zuhambenami. Daoyami, aikolana, buso ami, aukolana, kilo ndolose. C'est ce que dit Stéphanie de Main-sur-Loire. J'adore Jérusalem, un master KG sur la Arc-en-Ciel. Vous êtes peut-être sur la route du job là. Vous partez travailler parce qu'il y en a qui travaillent de nuit. Bah ouais, il y en a qui commencent déjà. Ça y est, c'est parti pour faire la night. Eh bien, courage à Séverine qui part au boulot avec De Palmas. On vous accompagne. Voici sur la route. Et puis dans moins de 10 minutes, Olivier Carré, maire d'Orléans, au téléphone avec nous. Entre toutes les choses, j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude de sentir mon profond de solitude. Chacun de mes paroles, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me dois dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte. Lire dans vos pensées tout de suite là dans la voiture à 17h54 de Palmas. Et il l'a dit, hein, sur la route toute la sainte journée. Et j'ai un message de la passerelle à vous donner, un message important pour ceux qui ont pris des places de concert ou de spectacle. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la passerelle. Les bons plans de la passerelle, c'est un bon plan, oui, pour récupérer vos places qui ont été que vous avez achetées, par exemple, hein, tous les détenteurs de billets de spectacle de la passerelle. On vous invite à vous connecter par mail à l'adresse suivante. Alors, je vous donne l'adresse mail, hein, si vous la retenez pas, vous m'appelez en direct à la radio. billetterie.lapasserelle@ville-du-6-fleury-les-aubrais.fr. Je vous rappelle le mail billetterie.lapasserelle@ville-du-6-fleury-les-aubrais.fr. Si vous n'avez pas retenu l'adresse, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Donc vous envoyez un mail et vous serez remboursé pour les spectacles qui étaient prévus, malheureusement, par rapport au Covid-19 et qui n'ont pas eu lieu. Dans 5 minutes, il sera avec nous au téléphone et ça me fait plaisir de l'avoir. C'est le maire d'Orléans, exclusivité Radio Arc-en-Ciel, monsieur Olivier Carré, en direct au téléphone avec nous dans quelques minutes. Et puis juste avant, c'est Nina Bonita qui arrive et ça, on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Et du son caliente avant, Danny Ocean sur Radio Arc-en-Ciel. Todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no, baby, no. Me rehúso a dar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo.

assez chaud dans les studios. Hein. Quand vous avez le maire d'Orléans au téléphone, je peux vous dire, ça transpire. Hein. Ouais, un peu la pression quand même, monsieur Olivier Carré, voilà, qui s'est exprimé pendant 24 minutes. Ça nous a fait vraiment plaisir de le recevoir sur le direct du 96 de FM. On est heureux d'être avec vous jusqu'à 19h. Et puis, dans moins de 5 minutes, j'aurai Stéphane Arnaud, président de l'association CJF Handball. Fleury, l'opération solidaire soutient ton club. On parlera avec lui, justement, de soutien ton club. On va parler de sport dans moins de 4 minutes. Avec Danny Hines 96. Ah ouais, ça rappelle de très très bons moments. Ouais, forcément, là-dessus vous avez dansé, fait la fête. Direction la ville de Fleury-les-Aubrais. Eh ouais, on va parler sport un petit peu. Et ça me fait plaisir de parler sport avec le CJF Fleury-les-Aubrais. On appelle tout de suite en direct monsieur Stéphane Arnaud à la radio arc-en-ciel. Salut la famille, allez, c'est parti, ça numérote. Monsieur Stéphane Arnaud, je soutiens mon club. Allez, en direct, j'aime bien quand on est en direct comme ça. Voilà, on peut pas recevoir d'invités pour l'instant dans les studios, donc on appelle les gens directement. Ça fait du bien de les recevoir. C'est la valise. 4 000 €. Allô. Bonsoir Franck Lemaire. Bonsoir Stéphane. Oh, j'adore quand on m'appelle Franck Lemaire, on se croirait sur une grosse radio nationale. Comment il va bien, monsieur Stéphane Arnaud? En forme? Eh ben, il va bien comme tous les présidents d'associations, de clubs sportifs, frustrés de pas voir. Des jeunes licenciés évoluer sur un terrain à 40-20 et pour nous, ce qui concerne la pratique du handball. Voilà, donc vous êtes le président de l'association CJF Fleury Handball. Depuis combien de temps? CJF Fleury Loire Handball, voilà. Effectivement. Depuis combien de temps, monsieur Arnaud? Alors, moi, je suis membre licencié du club depuis plus de 10 ans maintenant, ouais. Et président depuis 2016, donc ouais. Depuis 4 ans. Donc, on vous a contacté pour cette opération solidaire, soutien ton club. Oui. Pourquoi aujourd'hui, par rapport au Covid, qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement? Alors, ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, hein, si vous me permettez en préambule, et pour que ce soit bien compréhensible par tous vos éditrices et vos auditeurs, notre club, le Fleury Loire Handball, est composé de deux structures. Oui. Il y a la structure, je dirais, très visible... De l'iceberg, qui est la structure professionnelle, qui est donc une société anonyme sportive professionnelle, qui sont extrêmement connues sur Orléans et puis même à travers tout le national, puisque ce sont les Panthères du Fleury-Loire Handball qui évoluent en Ligue Butagaz Énergie et qui viennent de terminer leur saison en troisième place, qui leur permettra, à l'instar du foot, effectivement, là, qui descend en national, d'évoluer et de représenter toute la métropole d'Orléans au niveau européen l'année prochaine. D'accord. Faire des dons, c'est... Donc, c'est pan... Ouais, allez-y, monsieur. Oui, pardon. Allez-y. Je vous laisse terminer. Oui, donc, les Panthères, qui, il y a quelques années, ont eu le titre de champion de France, de Coupe de la Ligue, ouais, et le titre qui ont gagné la Coupe de France. Voilà. Donc ça, c'est la partie très visible de tout le monde. Ce sont les Panthères. Et la partie invisible. Et la partie invisible, alors moins visible, je ne vais pas dire invisible. Oui, on va dire moins visible. Ben c'est la partie associative, en fait, puisque le club au total, c'est 262 licenciés. Mmh. Et ben l'association représente un peu plus de 220 licenciés. Et c'est donc en réalité toute la préformation des jeunes joueuses. De la catégorie baby hand qui s'entraîne de bonne heure le samedi matin à partir donc d'un âge de 4-5 ans jusqu'à l'équipe de National 1 qui est quand même le troisième niveau national hein, qui est donc l'équipe espoir, l'équipe réserve des Panthères et là c'est régi donc sous l'association. Ce sont principalement des entraîneurs bénévoles qui entraînent les toutes petites mini-panthères. Donc tous les dons que vous allez récolter serviront à offrir par exemple à chaque entraîneur bénévole une formation adéquate hein. Alors effectivement alors on a des bénévoles, on a aussi deux salariés. Mmh. Et aujourd'hui la plateforme qui est mise en place par le Comité National Olympique et Sportif Français ainsi que l'Agence Nationale du Sport et la Fondation du Sport Français, évidemment avec le soutien du ministère des Sports, c'est compte tenu de la situation qu'on a tous vécue pendant ces trois mois et qu'on vit encore, hein, parce bien que sûr. Incertitude encore de l'évolution du virus et au niveau sportif, incertitude encore pour toutes les catégories que ce soit, de la date de reprise des championnats. Et puis des protocoles de reprise aussi, parce que... Beaucoup de protocoles, beaucoup. Il faudra veiller à la santé des joueuses, avec une visite médicale peut-être accrue. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais rien n'est encore complètement finalisé. Justement, donc, tout ce qui va se mettre en place, ça va peut-être faire peur aussi aux jeunes, de venir faire du sport, du hand notamment. J'ai pas compris le début de votre question. Ça va peut-être faire peur aux jeunes aujourd'hui de tous les protocoles qui sont mis en marche aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont moins motivés. On espère surtout que aujourd'hui on se fait peur avec ces protocoles et on espère surtout que l'épidémie va disparaître. Hein. La tendance est bonne mais rien n'est acquis pour pouvoir reprendre le sport, le handball, qui est un sport de contact, dans les mêmes conditions qu'avant. Mmh. Et il y aura forcément une phase transitoire et ce qui fait que le vrai démarrage éventuellement être décalé par rapport à une reprise habituelle pour nos jeunes qui peut se faire à partir de la mi-août. Est-ce que vous pensez que... Donc il y a ces inquiétudes effectivement sanitaires. Mmh. Ça c'est ce qu'on vient de vivre. En ce moment on vit un peu un soulagement parce qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Puis il y a aussi là plus au niveau des dirigeants, hein, tout le conseil d'administration de l'association de Randall. Là, on se pose des questions tout simplement sur comment on va pouvoir continuer apporter toute notre formation sur la saison prochaine, parce qu'on entend dans toutes les radios, y compris la vôtre, qu'après la crise sanitaire, crise économique. C'est ça, donc, malheureusement aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Exactement. Ouais. C'est ça qui vous fait peur en priorité, monsieur? C'est ça qui nous fait principalement peur et c'est ça qui fait que... Il y a la mise en place de cette plateforme Soutien ton club. Globalement, on ne peut pas vivre que des licences versées par les licenciés, des cotisations versées par les licenciés, évidemment, puisque ça représente à peine 10% du budget de notre association. Ouais. Et je parle bien que de la partie associative, hein, des jeunes. Mmh, bien sûr. Ouais. Au cours de ces 5 dernières années, on a vu nos subventions municipales baisser de 30%. Donc on n'est pas resté tout pile dans le même sabot et de plus en plus on essaye de trouver des amis, des supporters, des mécènes privés en vue des de pouvoir compenser bien sûr, c'est ça. Des partenaires. Alors dans une autre association on parle de mécènes parce qu'on parle de dons avec tout ce que ça implique et on va en parler dans quelques minutes. Mais aujourd'hui c'est tous ces mécènes privés où on se pose la question, crise économique, est-ce qu'on les retrouvera l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont peut-être réduire la voilure? Et pour nous, il est très important, notamment, de garder nos deux salariés, qui font un boulot énorme en vue de pouvoir proposer les futures panthères. Les panthères de demain, on veut qu'elles soient surfleuries et tout particulièrement avec un travail sur toute la métropole d'Orléans. Mais vous le disiez tout à l'heure, hein, les dons pour les associations sont en perte. Hein, c'est généralisé, on va dire, en France. Hein, y a toutes les sortes d'associations qui aujourd'hui ne bénéficient ou pas du tout, ou moins de dons qu'il y a quelques années. Ça, c'est en, voilà. En baisse. Nous, c'est ce que disait Marie-Anne Yesterguy l'autre jour. On a essayé de les compenser ces dernières années, mais notre question, c'est surtout pour la saison prochaine. Donc, d'où cette plateforme Soutiens ton club, mise en place, je vous disais, donc notamment par le Comité national olympique et sportif, qui souhaite constituer un fonds de solidarité national qui pourrait bénéficier à tous les clubs associés à une fédération, pour nous la Fédération française de handball, pour aider les clubs les plus en difficulté. Ouais. Et pour ce faire, il était déjà possible de faire des dons à notre association, mais c'est jamais facile de faire un don à une association. Il faut prendre contact avec le président du club, la trésorière, faut pouvoir trouver un moment d'échange, et puis surtout à un moment donné, comment se fait le versement de l'argent, tout simplement. Hein. Et puis moins facile avec le Covid, surtout en ce moment, avec tout ce qui s'est passé. Ah, surtout en ce moment, évidemment. Le porte-monnaie, il est un peu vide, on va dire. C'est ça. Exactement. Ouais, pas facile. Donc cette plateforme qui a été mise en place sur site internet, il suffit de taper sur votre barre de recherche Soutiens ton club rapidement. Ouais, je l'ai sous les yeux là. Vous tapez dans juste les premières propositions. Voilà, et puis ça permet je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 3000 presque 4000 clubs qui sont inscrits sur cette plateforme en tapant donc CJF Fleury Loiret Handball. Vous avez possibilité donc de découvrir évidemment notre association. Et puis en même temps de pouvoir faire directement un don. Voilà. Alors là j'y suis, monsieur, sur la plateforme. Vous faites un don et instantanément, en mettant votre numéro de carte bancaire, ça vous permet de faire un don pour aider à ce qu'on puisse poursuivre le travail entrepris depuis de très nombreuses années et bien avant que je sois président du club, bien évidemment. On parle de faire de dons. Est-ce que aujourd'hui l'État français vous ont filé un petit coup de pouce quand même? Parce que bon, faire des dons, c'est bien de demander aux Français. Alors, indirectement, faire un don, c'est ça, je veux vraiment faire passer comme message à vos auditeurs et vos auditrices. Faire un don à notre association, c'est un acte de mécénat. Donc, globalement, ça permet d'avoir une déduction sur votre revenu imposable. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes un particulier, vous faites un don de 100 euros au CJF Fleury Loiret Handball, ça vous permet d'enlever sur votre déclaration fiscale 66 euros, c'est-à-dire 66%. Vous faites 100 euros, vous enlevez 66%. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est comme si vous donniez, je dis bien, c'est comme si vous donniez que 440 euros, parce que sinon, ce serait directement sur votre impôt. C'est ça. Alors comment allez-y. Et ça, c'est le message pour les particuliers, mais également, vous avez certainement dans vos éditeurs, dans vos auditrices, des chefs d'entreprise, des artisans, où il est également possible de faire un acte de mécénat. Et là, pour le coup, la réduction d'impôt sera à hauteur de 60% de votre don. Comment il voit l'avenir, le président, aujourd'hui? Il le voit. Comment il voit l'avenir? Est-ce que c'est un bon avenir? Je vais dire dans mes boules. On est dans l'interrogation, c'est sûr. Ce qu'on se disait en préambule. Maintenant, on a des éducateurs qui sont formés, qui sont restés tout le temps en contact à travers les réseaux sociaux modernes, avec tous les licenciés, toutes les catégories d'âge. Bon, ce qu'on espère, c'est très rapidement pouvoir communiquer vers nos jeunes licenciés pour leur dire, ça y est, la salle Albert Auger a fleuri les ombrelles va rouvrir. Et donc, elles vont pouvoir à nouveau reprendre la pratique de leur sport favori. Et puis pour nous, de les accompagner. Et puis, de parler handball plutôt que Covid. De gestes sanitaires, bien qu'ils soient très importants et qu'ils soient préservés tant que le Covid existera. Bien sûr, la communication est très importante aussi auprès des jeunes. C'est bien d'en parler, de faire circuler le message. Ça, c'est super important pour ramener beaucoup plus de monde et peut-être de gens motivés aussi aujourd'hui. Exactement. Voilà. Un dernier mot peut-être, Monsieur le Président? Un dernier mot, juste pour que tous vos auditrices, vos auditeurs puissent vraiment prêcher la bonne parole. Notre action, c'est vraiment de préformer pas seulement les joueuses de Fleury-les-Aubrais, puisqu'on est en association, en entente avec des clubs de la métropole d'Orléans, l'US Lesso Handball, l'Argonne Orléans Handball, et à travers une équipe qui joue en championnat de France également, donc qui se déplace sur tout le Grand Ouest, voire quelquefois le Sud-Ouest, avec une équipe qu'on a en commun, qu'on appelle la Féline Handball Academy, et au-delà d'une équipe qui défend les couleurs de la métropole, pour le coup, sur une grande partie du territoire, c'est aussi un travail en commun avec tous les clubs de la métropole, en vue de privilégier, si je puis m'exprimer ainsi, les jeunes joueuses du secteur d'Orléans, de la métropole d'Orléans, à pouvoir accéder vers le très haut niveau du handball français. En tout cas, plutôt que de faire venir des joueuses et puis de continuer à les former, des joueuses qui arriveraient de l'autre bout de la France, autant privilégier les joueuses issues de la métropole d'Orléans pour leur offrir l'accès au haut niveau. En tout cas, on vous sollicite aujourd'hui, les auditeurs, à soutenir le club. On vous rappelle le lien, c'est soutien ton club. Vous tapez sur le soutien ton club. Voilà, moteur de recherche Google, par exemple, et vous allez directement sur la page. Et là, vous avez, c'est très facile, Fleury-Loiret. Voilà, vous faites un don, par exemple. Là, je clique, faites un don, puis vous avez le pour payer en carte bleue. Voilà, c'est super facile, en tout cas, pour aider l'association. Faites un don, allez-y. Ouais, Monsieur le Président. C'est exactement ça. Et puis même, vous pouvez aller directement sur le site internet du club, qui reprendra le club dans sa globalité, bien sûr, avec les Panthères, et puis également toute la partie associative. Et là, vous verrez un lien direct qui permettra d'arriver sur la page Soutien ton club. Et ça nous a fait plaisir de vous avoir au téléphone pendant 15 minutes, monsieur Stéphane Arnaud. Et moi, ça m'a fait très plaisir que vous donniez la parole à notre association. Juste avant et vous, il y avait Olivier Carré, le maire d'Orléans. Oui, on ne peut pas en faire mieux. J'ai écouté attentivement ce qu'il a dit. Et il y a 15 jours, on a eu Marie-Agnès Linguet, qui est notre maire, parce que nous, on est à Fleury-les-Aubrais aussi, donc on est voisins. On est voisins. Voilà, on est voisins. Et Marie-Agnès Linguet qui intervient régulièrement à la radio, ça nous fait vraiment plaisir. Ça se passe bien avec Marie-Agnès, ça va? Ouais. Ça se passe bien, même si vous avez compris que nous subventionnons non fait le PC, mais bon, oui, ça se passe bien avec Madame Linguet. Mais nous aussi, ça se passe super, super bien. On l'adore, Marie-Agnès. Moi, je lui fais la bise régulièrement, je la croise à Fleury. Merci, Stéphane Arnaud. C'est moi qui vous remercie et tous vos auditeurs, vos auditrices, pour leur générosité. Et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des informations, des choses qui vont se développer dans le club de Fleury Handball. Ça me ferait plaisir de vous avoir au téléphone sur n'importe quel événement. Avec plaisir. Vous avez mon numéro. On n'y manquera pas. Radio Arc-en-Ciel, on est là pour ça, monsieur. On est des médias pour relater en direct l'info. Et puis on n'a pas de timing. Nous, on prend l'antenne avec vous 15 minutes. On est libre antenne. Ça fait plaisir. Voilà, monsieur. Belle journée à vous. Merci, à très vite. Au revoir, en direct à la radio, Stéphane Arnaud, président de l'association CJF Fleury Handball. Gino y Nacho, esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Para

Ouais, c'était des bons souvenirs, ça, avec DJ Mams. Heureux d'être avec vous jusqu'à 19h. 8 minutes ensemble, après, ça sera RDP International. Et puis, tout à l'heure, ça sera du son très rock avec Electric Shock et notre ami Christophe sur l'arc-en-ciel. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. C'est vrai que la vie est belle, et puis lundi prochain, il a été réélu maire d'Olivet. Mathieu Cessinger sera mon invité à 17h45. Si vous aussi, de côté de la radio, voulez être mon invité, eh bien, vous me contactez 02 38 43 48 00. Et puis n'oubliez pas aussi, Arc-en-Ciel est une grosse association, devenez adhérent de la radio, ça nous ferait plaisir de voir parmi nous cette grande famille. Controla et Batoxa sur Arc-en-Ciel. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Não tenha medo, toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Não tenha medo. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Cata da Contrôla Badoxa de la Kizomba. Ouais, la Kiz, c'est le raccourci de Kizomba pour ceux qui adorent le soleil à cette heure-ci. On est heureux de vous trouver. Ouais, presque 19h. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Et vous nous appelez si vous voulez devenir adhérent, si vous voulez communiquer aussi sur la radio en communication, en publicité, bah pourquoi pas. Hein, la radio, un média puissant pour parler de vous à l'antenne, dans les studios, ça me ferait plaisir. On est en direct avec le son Charade 1980, Gimme the Funky Music. Je vais vous retrouver lundi prochain à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Notre invité sera Mathieu Schlesinger, qui est le maire réélu à Olivet. fait et ça me fait un grand plaisir de l'avoir au téléphone. Je vous retrouve lundi 16h30. Salut la famille de l'Arc-en-Ciel. 16h30, 18h30 lundi. Ouais, avec vous à l'ancienne, sous la boule à facette. Vous qui sortez du bureau là. La FM. Ensemble.